Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. Chez les Égyptiens de l'Antiquité, rappelle-toi que 7 jours de la création, en fait il est la sphère des cycles complets, le mouvement total, la perfection dynamique. 7 jours de la semaine, j'explique. 7 fois 24 heures est une période lunaire, puis vient le changement. As-tu compris que tout ce qu'il y a dans ce monde est 7, la synthèse d'une lumière que rien n'arrête. Il est le point culminant de toutes choses, la cime. On observe encore dans nos corps, il brille. De tous ces feux, 1, 2 pour les jambes, 3, 4 pour les bras, 5 pour le tronc, 6 pour le sexe. Quant à la tête, elle est le 7. Le 7. À cet instant, une voix profonde et mystérieuse retentit dans tous les haut-parleurs. L'essence jaillissante des sept orifices de mon visage écrive une nouvelle page. Écoute bien le précepte des ancêtres qui dit que Dieu créa les sept sphères célestes, les sept mers, les sept terres, les sept planètes figurées par les sept pétales d'une rose. Mais ne tente pas de blâmer à grand risque celui la clé de l'apocalypse, car vois, ta Rome fut fondée en dénombré sept collines pour des descendants d'aînés. N'as-tu pas entendu dire qu'on en contemplait les sept merveilles du monde? Alors secte ou pas secte, appelle-nous comme tu veux. Mes yeux sont trois et pas au nombre de deux pour contempler les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Que loué soit l'éternel dans les parcours spirituels du monde alentour. Les circumambulations de la Mecque comprennent sept tours, et même dans ce rythme percutant on dénombre dans la mesure sept temps. Le plan formé par les points cardinaux coupés du segment céleste décrit bien le fait que les six points éloignés, celui du milieu, sont la majestueuse œuvre de Dieu. La totalité de l'univers en mouvement, le 7. Le 7. Il peut être ton meilleur ami, ton ennemi. Si tu es blasphémateur envers lui, il est cité 77 fois dans la Bible. Et le nombre de branches du chant de Dieu des Hébreux, les 7 versets de la Fatiha, les 7 tours lors du Hajj de la Kaaba. Relève minutieusement dans les écrits sacrés son omniprésence qui est la clé de l'omnipotence divine. Par exemple, 7 animaux de chaque espèce furent sauvés du déluge. 7 prêtres portant 7 trompettes de paix. Le 7e jour du siège, faire 7 fois le tour de la ville en jouant haut ainsi. Fibrise Jéricho, le stylo dans ma main droite, j'écris ces quelques mots pour numéro 7, l'arabe numéro 1 au micro. Loin de moi, 3 et demi, le démon périphase à la profondeur du récit. Et n'oublie pas, il veille, le gardien du temple. Nombre de sens ésotériques du Coran, 6 directions de l'espace sont un point médian de la totalité des dimensions et du temps. Le 7.